Exercice 1, page 111. A. Nage, nuage. B. Sueur, sœur. C. Si, suis. D. Frit, fruit. E. Muet, muet. F. Plus, pluie.